Chapitre 30e. La venue de l'impératrice s'ouvrait devant eux et s'allongeait entre sa double bordure verte jusqu'à l'entrée du bois, dont le feuillage printanier se détachait en gris sur le fond sombre des collines qui bordent la Seine. Aussi loin que les yeux pouvaient s'étendre, on ne voyait sur la chaussée que des voitures qui se suivaient à la file, tandis que sur les bas-côtés, des piétons s'avançaient lentement, sans regarder devant eux, la tête tournée vers les équipages qui les dépassaient. Sur ce long ruban qui se déroulait ondoyant à perte de vue, c'était une confusion éblouissante de couleurs joyeuses. Le rayonnement des panneaux et des glaces des voitures, les vernis des cuirs, l'or des livrées, l'argent et le cuivre des harnais, l'acier des chaînes et des mors, tout cela se mêlait, miroitait, flamboyait et lançait des éclairs. « Joli spectacle, » dit Soriol, « et fait à souhait pour ceux qui aiment l'éblouissement des couleurs. » Comme Thérèse ne disait rien et paraissait absorbée dans sa réflexion, le colonel lui demanda si ce tableau mouvementé qui se déroulait sous leurs yeux ne lui paraissait pas joli. « Trop beau, » dit-elle. « Ce que tu dis là, » répliqua Soriol, « est tout simplement une exagération nerveuse de petite fille. » Puis, après avoir débité gravement cette réflexion physiologique, il continua ses observations de curieux. « Ce qui m'étonne, » dit-il, en me montrant de la main une Daumont qui passait au milieu de la chaussée, rapidement menée par ses deux jockeys en livrée à l'anglaise, chapeau gris à cocarde, casaque rayée et culotte de peau, « ce qui m'étonne, c'est qu'une femme élégante adopte ce genre d'équipage. Sans doute l'équipage en lui-même est gracieux, mais quelle vue bizarre pour une femme délicate que celle qui est offerte par ses jockeys, s'enlevant et se baissant selon le trot des chevaux. » Le cocher qui conduisait la calèche du colonel était un homme tranquille et majestueux. Il avait en conséquence pris la queue des voitures pacifiques, laissant le milieu de la chaussée aux gens pressés et tapageurs. Tout à coup, il se fit un mouvement dans la foule. Les piétons se retournèrent et, s'arrêtant pour la plupart, ils vinrent se ranger sur le bord de la chaussée. Leurs yeux, dirigés tous d'un même côté, semblaient chercher au loin et attendre. En même temps, s'éleva une légère rumeur, et les voitures se tassèrent pour laisser libre le milieu de l'avenue. Thérèse, ne pouvant voir ce qui provoquait la tension derrière leur voiture, se retourna. Alors, elle vit venir au milieu du vide de l'avenue un piqueur, portant une livrée vert et or, monté sur un beau cheval bai. Puis, arrivant derrière, à une petite distance, une Daumont conduite par des jockeys dont on apercevait encore que les casquettes vertes, enveloppées d'une touffe de filets d'or pendant. Bientôt, le piqueur se rapprocha, les rejoignit et les dépassa. Puis la Daumont arriva et courut un moment côte à côte avec leur calèche. Sur le siège de devant se tenaient, dans l'attitude de figure de cire, deux messieurs à grosses moustaches, la taille serrée dans leur redingote ornée d'une rosette rouge. Leurs mains bien gantées restaient immobiles sur leurs cuisses, comme s'ils y eussent été collés. Sur le siège de derrière était assis tout seul un personnage qui, légèrement penché en avant, s'inclinait à droite et à gauche, promenant sur la foule et les voitures des yeux sans regard. Ses grosses moustaches, serrées en pointe, s'abaissaient sur une impériale, et sous son chapeau, ses cheveux luisants s'avançaient de chaque côté de ses oreilles, descendant sur ses joues blêmes. Ce qui attirait l'attention dans cette figure éteinte, c'était un nez osseux et charnu. « Vive l'empereur !» crièrent deux ou trois voix dans la foule. Et sans regarder qui poussait ses cris, l'empereur leva lentement sa main jusqu'au rebord de son chapeau et lentement la reposa sur son genou. La Daumont avait dépassé la calèche. On ne voyait plus que le dos rond de Napoléon III et sa tête qui se balançait lentement de chaque côté avec un mouvement régulier, comme celui de ces figures de porcelaine qui ne s'arrêtent plus lorsqu'on leur a donné une impulsion. « Vous savez, » dit Soriol à mi-voix, « qu'il est entouré de Corses. » Le colonel cherchait où pouvait être cette armée de Corses lorsque, dans une clarence qui suivait immédiatement l'équipage impérial, il aperçut Madame de Lucilière qui, du bout de la main, lui fit un salut. Entraîné d'un trot rapide par deux chevaux de Norfolk aussi beaux de forme que d'allure, le clarence eut bientôt rejoint la calèche. Alors la marquise, apercevant Thérèse, qu'elle n'avait pas encore pu voir, prit son binocle pour la regarder. Et pendant tout le temps que la clarence longea la calèche, elle resta, le binocle à la main, lorgnant Thérèse, qui, sous cet examen à bout portant, rougissait et ne savait quelle contenance tenir. « Voilà une jolie femme, » dit Soriol, lorsque le Clarence se fut éloigné. « Vous la connaissez, colonel ? Est-ce une vraie dame ?»« C'est la marquise de Lucilière. » « Est-ce curieux, une vraie marquise ? À quoi diable cela se reconnaît-il ? » ?»« Pour moi, je suis incapable de distinguer en quoi les vrais diffèrent des fausses. » Ils avaient dépassé les fortifications et la calèche roulait entre une double rangée de curieux qui, assis sur les chaises du trottoir, regardaient le défilé des voitures. « Tous ces gens ont vraiment une attitude singulière, » dit Auriol, poursuivant ses réflexions, autant pour l'instruction du colonel que pour sa propre satisfaction. Sont-ils là pour prendre plaisir au défilé des équipages ou bien pour poser devant ce défilé ? Il faut convenir que nous sommes un peuple de comédiens. » Mais Thérèse ne s'adressait pas les mêmes questions que son oncle, et pour elle, tous ses regards étaient lancés par des yeux curieux. Aussi son inquiétude, qui depuis l'examen de la marquise de Lucilière avait toujours été augmentant, était-elle devenue une véritable angoisse ? Ils arrivaient sur les bords du lac et deux routes s'ouvraient devant eux. Celle de gauche, déserte en ce moment, celle de droite, dans laquelle s'engouffraient les voitures qui se rapprochaient et se tassaient. « Si nous prenions de ce côté, » dit Thérèse, montrant l'allée déserte. « Et pourquoi donc ? » répliqua Auriol. « Ce n'est pas le chemin de l'hippodrome. »« Mais mon cousin ne tient peut-être pas aller aux courses. Le bois paraît si beau de ce côté. » Et sa main resta étendue dans la direction des sapins qui dressent leurs troncs grêles entre le lac et la route. Pendant que Auriol se récriait contre cette fantaisie de petite fille, le colonel, sans rien dire, examinait Thérèse, se demandant si c'était là vraiment une fantaisie et ce qui pouvait la provoquer. Jusqu'au pré Catelan, il resta silencieux. Alors, se penchant tout à coup en avant du côté opposé à celui de Auriol, et prenant dans sa main une des nattes qui pendait sur les épaules de Thérèse, « Ma petite cousine, » dit-il à demi-voix, de manière à être entendue d'elle seule, « avec des chevaux beaux comme cela, on est toujours en toilette. » Elle avait levé les yeux et durant quelques secondes, elle l'avait regardé. Mais un flot de sang lui montant au visage lui fit fermer les paupières. Son cœur brûlait, un frisson avait couru dans ses veines, de la tête aux pieds. Quand elle reprit le sentiment des choses matérielles, la calèche roulait doucement sur une herbe épaisse. Et l'on n'entendait plus que le bruit de l'acier et le craquement des harnais. Ils étaient arrivés, et par-dessus les voitures auprès desquelles ils étaient venus se ranger, on apercevait les tribunes, déjà occupées par des femmes dont les toilettes aux couleurs vives faisaient des taches claires sur le fond sombre des gradins. Les courses étaient commencées. Un tourbillon de casaques bleues, blanches, rouges, jaunes passa devant eux, rapide comme une vision, tandis que le gazon tremblait sous le sabot des chevaux. Alors Auriol, qui était venu pour tout voir, se leva et tâcha de suivre la course en communiquant tout haut ses observations. « C'est le blanc qui est en tête, le jaune le rejoint. » Le rouge reste en arrière. Et dans les voitures voisines, où l'on entendait ses exclamations, il eut des rires et des moqueries en voyant cet homme en habit noir qui parlait des chevaux et les désignait d'une façon si primitive. Une seconde fois, le tourbillon passa devant eux, c'était l'arrivée. « Ils sont groupés, » s'écria Auriol. « Il n'y a pas de premier. » Cependant, des chiffres parurent instantanément sur un tableau, venant donner un démenti à cette affirmation et montrer que le juge avait su trouver un premier, un second et même un troisième. « Si j'y comprends quelque chose, s'écria Auriol, je vais être pendu. » Ce n'était point ainsi que cela se passait dans l'Antiquité pour les courses de chars. Mais ni Thérèse ni le colonel ne prêtèrent l'oreille à la dissertation qu'il entreprit sur les chars antiques. Le char de guerre, le Currus Triumphalis, le Currus Volucris, le Currus Falcatus, c'est-à-dire armé de faux. Il n'écoutait pas, il regardait. D'autres équipages étaient venus se ranger auprès de leur calèche. Dans l'un se trouvait le baron Lazarus, assis auprès de sa fille, la blonde Ida, qui portait en costume de bergère bateau tout agrémenté de fleurs et de pompons. En apercevant le colonel, le baron lui adressa des deux mains un salut d'amitié, tandis qu'Ida s'inclinait doucement, en souriant des yeux, des lèvres, des épaules, de toute sa personne. Dans un autre équipage, un landau assez mal attelé, le colonel reconnut le prince Mazzazzoli, et devant lui sa nièce Carmelita, assise auprès d'une vieille dame en guirlandais de dentelle, qui devait être la comtesse Belmonte. La toilette de Carmelita formait un curieux contraste avec celle de la jeune Allemande. Autant l'une était gaie, autant l'autre était sévère, mais en tout cas admirablement choisie, pour faire valoir la beauté classique de l'italienne. La robe blanche et noire semblait copiée sur une forme de la Renaissance, avec un corsage coupé carrément et de fausses manches très longues tombant sur la jupe. Le salut que le prince adressa au colonel fut encore plus amical que ne l'avait été celui du baron. Mais Carmelita se contenta d'incliner légèrement la tête, sans que le moindre sourire vînt animer son visage de marbre. Thérèse avait suivi des yeux le colonel. « Comment, dit-elle, il y a quelques jours à peine que vous êtes à Paris et vous connaissez déjà toutes ces belles personnes ?» Alors il lui expliqua ce qu'étaient le prince Mazzazzoli et sa nièce Carmelita, le baron Lazarus et sa fille Ida. Comme l'allemande est jolie et comme l'italienne est noble. Je n'avais jamais imaginé qu'ils pouvaient se rencontrer dans la vie réelle des femmes aussi belles. Ah, mon cousin, vous n'auriez pas dû amener au milieu de ce beau monde une petite fille comme moi. Vous n'avez donc pas entendu ce que je vous ai dit en venant ? Elle rougit de nouveau. Si, n'est-ce pas ? Eh bien, ne m'obligez pas à vous le répéter. Amusez-vous du spectacle que vous avez sous les yeux, et ne vous inquiétez pas du reste.